Nous diffusons aujourd'hui la table ronde enregistrée samedi dernier dans le Grand Amphi de la Sorbonne, dans le cadre du forum L'année vue par les savoirs, premier forum de l'année, autour de la question animale. Nous nous sommes intéressés à la question de l'émotion. Un animal ressent-il ? Que ressent-il ? Et le fait qu'il ressente doit-il nous engager à repenser notre relation au monde animal, à moins qu'il ne l'ait déjà fait ? À la recherche de l'émotion animale, c'est le sujet de ce premier forum L'année vue par les savoirs. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue à cette quatrième table ronde consacrée, comme vous venez de l'entendre, à la question animale dans le Grand Amphi de la Sorbonne. Après l'histoire, la philosophie, l'économie, qui était un débat agité et passionnant, nous allons essayer d'appréhender tout au long de l'heure que nous allons passer ensemble cette question de l'animalité par le biais des sciences, et en l'occurrence la question de l'émotion animale. Toute personne qui vit avec un animal de compagnie ou au contact des animaux vous le dira, il n'y a pas besoin de 1000 études scientifiques complexes pour être convaincu que oui, les animaux, mon chat, mon chien, mon cheval, mais aussi mon cochon, ma vache, mon mouton, bref, ces animaux ont des émotions, et même plus que des émotions, une personnalité, un caractère qui les distingue individuellement les uns des autres. Qui peut douter qu'un chien est triste, par exemple, évidemment, quand son maître l'abandonne, et heureux quand il le retrouve? Qui peut douter qu'un chat manifeste du plaisir quand il vient se blottir contre vous en ronronnant? Ou qu'un cochon ou une vache sont saisis d'une peur panique quand on les amène à l'abattoir? Mais là où la question se complique, c'est lorsqu'il s'agit de savoir si émotion rime et va avec conscience. Les animaux ont-ils conscience des émotions qu'ils éprouvent? C'est une chose. Ces émotions sont-elles des émotions réflexes, c'est-à-dire des émotions simples qui ont pour but de susciter des réactions physiologiques, ou des émotions complexes, comme l'empathie, la jalousie par exemple? Qu'est-ce qu'une émotion d'ailleurs, sur le plan physiologique et évolutionniste? À quoi sert l'émotion? Et si on pousse la logique encore un cran, un chat ressent des émotions, d'accord. Un oiseau ressent des émotions, peut-être. Un crabe, un escargot, une puce? Y a-t-il une limite? Où se situe-t-elle? Voilà donc les questions, certaines des questions que nous allons aborder au long de cette heure dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne avec notamment Marie-Claude Bumsel. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire, professeur honoraire au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes également, pour ceux qui sont familiers du Jardin des Plantes, la maman adoptive de Nénette qui est Laurent Houtan vedette du Jardin des Plantes que vous connaissez peut-être. Bonjour Astrid Guillaume. Bonjour. Vous êtes sémioticienne, maître de conférence à Sorbonne Université, membre du comité scientifique de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, et coprésidente de la Société française de zoosémiotique. Vous nous expliquerez en quoi consiste la zoosémiotique. Et bonjour Jean Chapoutier. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, neurobiologiste et philosophe, membre du conseil d'administration de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Alors pour commencer, si l'on tient à parler d'émotions animales, peut-être faut-il lever le premier obstacle, à savoir, et c'est un obstacle de taille, qu'est-ce qu'une émotion, Georges Chapoutier? Alors, vous avez très bien dit qu'il n'y a pas de vérité objective d'une émotion. Une émotion, c'est d'abord quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui est du relève de vécu. Au fond, nous n'avons d'émotions que des nôtres. Alors bien sûr, par isomorphisme, on peut penser que d'autres êtres ont des émotions. Nos enfants ont des émotions. Pourquoi? Parce que, d'une part, ils ont des comportements qui ressemblent aux nôtres. Ils peuvent aussi s'exprimer par la parole, dire « j'ai mal, j'ai faim », etc. Et puis surtout, c'est pas seulement la question d'imitation, c'est le fait qu'ils ont des structures cérébrales similaires aux nôtres. Si j'ai une poupée qui dit « j'ai très peur et j'étais bien avant », elle n'aura pas des émotions nécessairement, il n'y a pas le vécu subjectif. Il ne suffit pas d'avoir le comportement analysé notamment par les sémioticiens, je passerai la parole à ma voisine, mais il faut aussi que les structures cérébrales soient les mêmes. Et dans l'état actuel des choses, on peut dire qu'il y a deux groupes animaux qui qualifient pour ça. Il y a les vertébrés, depuis les poissons jusqu'aux mammifères, qui sont très homogènes sur le plan cérébral. Ils ont un système qui est le système limbique, qui est un système qui gère les émotions, l'empathie, et ils sont entre guillemets comme nous, ou proches de nous. Et puis il y a probablement des mollusques très évolués comme les pieuvres, qui ont une intelligence très forte, qui changent de couleur dans certaines conditions, quand elles ont des émotions, semble-t-il. Donc, on peut aussi inférer qu'il y a probablement des émotions. Au-delà, est-ce qu'il y a des émotions et quelles sont-elles chez l'araignée, chez l'abeille, chez le mille-pattes? La question reste posée. Astrid Guillaume, sur cette question de la définition de l'émotion. Alors, d'abord, oui, tout à fait, je suis d'accord, bien sûr, avec Georges Chapoutier, mais je vais aller au-delà, puisque de toute façon, toute la problématique que nous abordons aujourd'hui est une problématique de linguiste, c'est-à-dire de définition des termes. Et il est extrêmement difficile de définir ce que signifie l'émotion. Ensuite, si l'on prend l'exemple de l'humain, qui, à mon sens, est un animal non humain, il y a des humains qui sont émotifs et d'autres non. C'est exactement pareil pour les animaux. C'est-à-dire que ça remet en question toute la méthode scientifique pour analyser les émotions, puisque les animaux qui vont, par exemple, être testés sur leurs émotions vont être plus ou moins émotifs ou non. Et ça met en avant toute la question de l'individu, du caractère, de la personnalité des animaux humains et non humains. Donc, par exemple, il y a des humains qui sont extrêmement émotifs, mais c'est exactement la même chose pour les animaux. Il y a des animaux qui sont très émotifs et d'autres qui gèrent parfaitement leurs émotions. Donc, en ce qui me concerne, pour ce qui concerne la sémiotique, hein, je rappelle peut-être ce qu'est la sémiotique. Donc, la sémiotique, c'est l'étude du sens implicite, explicite, verbal et non verbal. Quand on est dans la sphère de la zoosémiotique, il est évident qu'on travaille davantage sur le transfert du sens non verbal. Donc le sens non verbal étant bien sûr la communication, et la communication chez l'animal pouvant passer soit par des vocalises, soit par des odeurs, des gestuels, des mimiques, voire des silences. Et le silence ou l'absence d'émotion ou d'expression d'émotion devient très important pour la zoosémiotique en particulier. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure plus tard. Et on va voir, et on entend déjà dans ces deux premières interventions que l'une des notions clés qui va montrer la complexité d'étudier l'émotion chez l'animal, c'est le biais de l'anthropomorphisme, comment penser l'émotion animale en dehors, Marie-Claude Bonsel. Bon, c'est pas moi qui ai la solution, par contre, quand on a mis à la recherche de l'émotion, il n'y a qu'à me regarder moi, ou peut-être certainement les autres, être déjà sur une estrade, ça c'est une vraie émotion. Le stress, on connaît, vous avez immédiatement la tachycardie, donc il y a quand même des méthodes physiologiques pour le voir. Alors, pour revenir sur qu'on a dit, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec Georges et Astrid. Il faut rappeler quand même au public qu'il y a à peu près 1 500 000 espèces connues. Il y en a probablement 8 millions. 97% sont des invertébrés. Donc, vous voyez, nous n'allons parler que de quelques milliers d'animaux, hein, parmi les vertébrés et autres arthropodes. C'est vrai que nous ne savons pas si les autres ont des émotions. Nous savons, par contre, qu'ils peuvent avoir une souffrance. Or, si on revient à l'idée darwinienne de l'expression des sentiments, il y avait la notion de souffrance, de joie, de peine, et je fais partie de ceux qui pensent que finalement les invertébrés aussi et autres mollusques ont des émotions. Alors ensuite, effectivement, il y a le milieu de vie qui va intervenir. Une fois qu'on a vu l'espèce, on a parlé avant, on va reparler ici des animaux domestiques ou sauvages. Il faudrait savoir que les sauvages, contrairement, bon, là aussi ça m'amuse un peu, car dans tout animal domestique, il y a du sauvage. Hein. Rappelons-nous que chaque espèce va mettre des millions d'années à arriver. Et elle va en quelques milliers d'années, alors qu'au fond d'elle-même, sa composition cérébrale, son acquis et tout, et a vécu sur des millions d'années, elle va devenir en quelques milliers d'années domestique. Et elle va effectivement être dans un milieu de vie. Je ne vais pas reprendre dans des étapes confinées où ils sont robotisés, où à mon avis ils perdent toute émotion. Animal de compagnie où là ils deviennent bilingues, où ils doivent avoir leurs propres émotions et prendre les nôtres, les comprendre et essayer de les réinsérer. Donc on voit la différence. Sauvage avec l'entrée de l'homme de plus en plus, donc ça va influer dessus. Ensuite, bien entendu, il y a aussi la notion de sociabilité qu'on va sans doute prendre. C'est-à-dire vous avez une émotion pure d'un animal solitaire ou bas de gamme, pardon pour les animaux bas de gamme, donc les invertébrés, ce qu'on disait autrefois inférieur, regarde, bas de gamme c'est plutôt pire, alors que la sociabilité amène une montée de l'émotion, une visibilité, à masquer l'émotion, la transmettre, peut-être des sentiments, on va voir ça différemment. Et puis il y a une chose qu'on n'a pas abordée par contre, c'est l'équipement sensoriel. C'est-à-dire que les animaux n'entendent pas de la même façon, ne voient pas de la même façon, n'ont pas les mêmes goûts, etc. Donc c'est extrêmement difficile pour nous. personnellement, je le sais, je suis un rien sourdingue. Et ben, je peux vous dire que souvent, je me dis pourquoi ils ont cette émotion d'eux, ils ont dit ça, ils ont fait ça. Je n'ai pas compris. Bon, alors, vous imaginez l'animal, l'éléphant dans l'infrason, les chauves-souris dans les ultrasons, les rongeurs dans les ultrasons, les couleurs qu'il ne voit pas. Tout ça est extrêmement difficile. Ça joue beaucoup. Et après, on en a parlé, il y a la notion d'individu en elle-même, sa place, son patrimoine génétique, sa place dans la famille même. Donc, tout ça va beaucoup jouer sur la description et la manifestation d'émotions. Georges Chapoutier. Oui, donc, il faut distinguer aussi, tout de suite, ce qu'on peut appeler les émotions négatives, comme la peur, l'anxiété, etc., et les émotions positives, comme le plaisir, etc. Et on peut montrer, pour des raisons évolutives évidentes, darwiniennes, que les émotions négatives sont beaucoup plus puissantes que les émotions positives, même si les deux peuvent éventuellement cohabiter. Vous dites même l'état de base du cerveau est une angoisse légère. Alors ce qui fera plaisir à toute l'assistance, vous êtes tous légèrement angoissés. Voilà. Pour apprendre bien, on montre que il faut une anxiété légère. Je dis bien légère. Et donc il y a un optimum, si vous voulez. S'il n'y a pas assez d'anxiété, on n'apprend pas bien. S'il y a une anxiété trop forte, on n'apprend pas bien non plus. Il y a un optimum, qu'une anxiété légère, qui est nécessaire à l'apprentissage et qui est très utile dans la jungle pour l'animal qui se trouve en face d'un prédateur, par exemple. Ce qui va venir aussi assez rapidement lorsqu'on interroge la notion d'émotion chez l'animal, quand on est y compris chez l'être humain, puisque nous sommes des animaux évidemment, c'est la notion de conscience qui va avec. Est-ce que l'émotion est une émotion cognitive, c'est-à-dire que j'ai peur parce que je comprends que le danger est là, ou est-ce que c'est une émotion somatique, c'est-à-dire que mon corps réagit avant tout à l'émotion pour me protéger du danger et donc dans une perspective plus évolutionniste, Georges Chapoutier? C'est les deux. En fait, chez les vertébrés qu'on connaît le mieux, ces animaux qu'on connaît le mieux parce que l'homme en fait partie et puis on les a bien analysés, chez les vertébrés, il y a deux systèmes différents. Il y a un système qui est le système limbique, qui reçoit des émotions, et un système qui est lié à l'autre d'ailleurs, un système qui est le cortex cérébral, qui est lié à la cognition, donc à la conscience. Et les deux sont liés. Mais on peut très bien imaginer des émotions sans cognition, et éventuellement une cognition sans émotion. C'est pas très plausible sur un plan fonctionnel dans la vie courante, mais c'est imaginable. Et alors par exemple, je suis pas tout à fait d'accord avec Marie-Claude Bomsel, je suis pas convaincu qu'il y ait une émotion nécessairement chez les animaux invertébrés, en tout cas chez tous. L'émotion de l'huître ou de la moule, je suis sceptique. Il y a des études à Michael Bunsell. Les émotions primaires, c'est-à-dire la peur, ce qui sont effectivement instinctifs, c'est-à-dire qu'on rentre là dans ce qu'on appelle le cerveau le plus primaire, c'est des animaux qui n'ont que quelques milliers de neurones, mais qui ont quand même une possibilité de retraite. Bon, nous avons discuté avant sur la notion de jus de citron sur l'huître. Vous voyez où nous en étions. Bon, nous n'avons pas pris position ni l'un ni l'autre. Alors, il y a un effet négatif. Il n'en reste pas moins qu'elle a une souffrance. Il y a un effet négatif. Alors, ce qu'on appelle une nociception. Voilà. C'est-à-dire qu'elle retire, ça lui fait quelque chose de désagréable. Est-ce qu'elle en est consciente? Parce que le fond du problème, il est là. Je ne pense pas. Alors, je vais vous soumettre une étude qui a été faite sur la mouche drosophile, qui est la mouche du vinaigre qui est classiquement utilisée en laboratoire, où on a montré que le comportement d'une mouche drosophile, où on fait le protocole expérimental est le suivant, on fait passer une forme, une ombre à plusieurs reprises qui est censée simuler l'ombre d'un oiseau, et on se rend compte que plus on fait passer l'ombre de l'oiseau, plus la mouche drosophile s'agite, et donc on compare ce type de réaction à une réaction de peur. Est-ce qu'on peut dire, Georges Chapoutier, que la mouche a peur, ou est-ce que c'est précisément tombé dans le biais d'anthropomorphisme? Je trouve que c'est tombé dans l'anthropomorphisme. Je ne vais pas jurer qu'elle n'a pas peur, mais dans l'état actuel des connaissances, ça me paraît hardi de dire ça. Marie-Claude Bomsel? Je suis plus dubitative, mais bon, évidemment, nous ne pouvons pas répondre n'étant pas ni l'un ni l'autre des mouches. Donc, c'est plus complexe, quoique, on pourrait discuter de notre cerveau. Astrid Guillaume. Alors, là, nous touchons à un point essentiel du débat. C'est-à-dire que nous sommes dans la problématique de la définition, de la terminologie. Donc, en tant que linguiste, et en particulier en tant que sémioticienne, zoosémioticienne, pour moi, il n'y a aucun problème à utiliser des termes que nous utilisons pour les humains pour qualifier des attitudes des animaux. C'est-à-dire, je n'ai aucun problème à dire qu'un animal a peur, un animal est joyeux, un animal... Et je dirais, j'irais même plus loin, j'aimerais beaucoup que nous puissions définir davantage encore ce type d'émotion en inventant, en créant, bien sûr en respectant les racines latines et grecques de notre langue française, de nouveaux termes pour qualifier des émotions que nous voyons mais que nous n'avons pas encore nommées. Par exemple, tout vétérinaire sait que les chats ronronnent de peur, ronronnent de joie, ronronnent pour influencer leur entourage, mais il n'y a qu'un seul mot pour qualifier ces actions. Moi, j'ai toute une ribambelle de néologismes à mettre en place dans des dictionnaires de zoosémiotique. Proposez-nous en quelques-uns. Alors, par exemple, le chat qui ronronne dans de plaisir, je dirais que c'est une ronronade, parce que c'est comme une sérénade. Le chat qui est un peu canaille, qui influence son entourage pour avoir de la nourriture, je dirais que c'est une ronronaille. D'accord ? Donc, on peut varier les plaisirs linguistiques de cette façon. En tout cas, un dictionnaire est en cours et nous voulons vraiment créer de nouveaux mots parce qu'ils doivent exister, parce que ces émotions existent et que sans les mots, les émotions n'existent pas. Donc, il faut tout renommer, il faut tout réinventer en quelque sorte. Ce qui est intéressant, si on part de cette étude sur la mouche drosophile, c'est que ça nous conduit à avoir une forme d'éventail évolutionniste de l'émotion, Georges Chapoutier. Oui, est-ce qu'on peut parler deux questions ? La première, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de jeu d'émotions universelles ? C'est une question importante en éthologie, mais aussi en comportementalisme, en philosophie. Est-ce qu'il y a un jeu d'émotions qui sont des émotions basiques ? Et quelle est l'importance des émotions en matière évolutionniste ? Pourquoi est-ce que plus on monte dans l'arbre phylogénétique et plus on a le sentiment, l'impression en tant qu'humain, que ces émotions se diversifient et se complexifient. Bon, je crois que ça c'est vrai pour tout phénomène évolutif apparaît par palier. Si vous voulez que quand on a des animaux de plus en plus compliqués, il y a des paliers, ça vaut pour tout. Ça vaut pour la sensation, ça vaut pour l'émotion, ça vaut pour la cognition, pour ce que vous voudrez. Ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est que la nociception, sauf quelques animaux, qu'il y a des animaux qui ne sont pas sensibles du tout, comme les éponges. Bon, mais la quasi-totalité des animaux ont des mécanismes de sensation qu'on appelle la nociception. C'est qu'ils réagissent à quelque chose qui fait du mal à leur corps. C'est-à-dire. Alors maintenant, la question de savoir où se place l'émotion là-dedans, encore une fois, on revient tout à l'heure, on ne peut pas le dire. Je pense que c'est par palier. Je pense que si on mettait en évidence, si des émotions chez certains invertébrés, elles ne seraient probablement pas aussi compliquées que les émotions de systèmes extrêmement complexes que sont les vertébrés. Mais là, je m'avance un petit peu. Marie-Claude Bumsel. Là, nous avons toujours le même dilemme, si je veux dire. Je n'ai pas de réponse non plus. En l'occurrence, c'est évident qu'à partir du moment où on a un système nerveux plus évolué, on peut manifester ou d'ailleurs masquer l'émotion. Ça, c'est peut-être une des choses à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ment sur l'émotion quand on le peut, alors que nous revenons à notre huître ou autre invertébré, ça ne lui est pas possible. Alors, est-ce que c'est le mensonge qui caractérise l'émotion ? Peut-être. Astrid Guillaume. Alors c'est toujours la même problématique. Et moi, j'aimerais être entre les deux et faire cesser ce binarisme pour introduire la triade sémiotique qui permet de penser autrement et d'éviter les antagonismes. En fait, il y a une multitude d'animaux, il y a une multitude d'intelligences, il y a une multitude d'émotions. Et c'est justement ces multitudes d'intelligences et d'émotions qui doivent être étudiées, recatégorisées, retravaillées à l'aune des nouveaux progrès scientifiques et terminologiques. Donc, je crois aussi que nous, en tant qu'humains, nous avons une vision purement humaine de beaucoup de choses. Et il faut sortir de ce schéma, qui, à mon sens, est un schéma d'un autre temps, et essayer de comprendre. Bien sûr, nous n'avons pas les yeux d'une libellule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les yeux d'une libellule. C'est absolument phénoménal. Comment voit une libellule ? Comment peut-on comprendre ce que pense une libellule avec des yeux pareils ? C'est pareil le pour les... Voilà. Les donc du coup, toute notre terminologie, toute notre façon de penser est à revoir et surtout rester prudent. Moi, je n'aime pas utiliser le terme émotion humaine, émotion animale. Pour moi, il y a des émotions, point barre. Donc, c'est-à-dire que ce débat humain-animal doit s'ouvrir. Bon, on parlait d'émotions simples et d'émotions complexes, hein, oui, pour être précis. Georges Chapoutier. Pour revenir un petit peu sur ce que veut dire ma collègue. Bon, bien sûr qu'il y a autant d'animaux, de groupes d'animaux que de perceptions, de cognitions, etc. et que celle d'une libellule est probablement très très différente de la nôtre. En revanche, dans le groupe des vertébrés, qui est un groupe très homogène, depuis les poissons jusqu'à nous, les structures cérébrales sont très homogènes aussi. Et donc là, pour répondre à votre question d'universalité, je pense que, sur le fond, les émotions de base, prenons l'émotion, l'angoisse, la terreur, avoir peur, il n'y a pas de différence fondamentale entre un poisson, un oiseau et nous. Et là, je pense que sur ce point particulier, l'émotion, elle est la même. Peut-être quelque chose sur lequel vous pourrez vous accorder tous les trois, c'est qu'en tout cas, historiquement, nous vivons depuis, disons, la moitié du XXe siècle. Ça a commencé avec Darwin, et puis c'est un mouvement qui s'accélère principalement ces dernières années, en science, en éthologie, une forme de révolution dans la compréhension de l'émotion animale. Et on est passé vraiment d'un paradigme à un autre, et à deux paradigmes radicaux, d'un paradigme historique qui considérait l'animal comme une machine, c'est-à-dire finalement comme l'émotion étant le propre de l'homme, à un paradigme totalement différent qui nous dit aujourd'hui, Marie-Claude Bomsel, que l'animal finalement n'est qu'émotion, n'est que réaction à des stimuli émotionnels, là où l'homme peut implémenter de la raison et effectivement, comme vous l'avez dit, maîtriser ses émotions, les dissimuler, les transformer, agir dessus. Oui, les animaux aussi peuvent les maîtriser, hein, effectivement, mais en l'occurrence, on est bercé par Descartes et en France tout particulièrement par la raison et l'intelligence. Vous remarquerez que tous les travaux, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette difficulté aujourd'hui à en parler, qui ont été faits scientifiques, c'est toujours sur l'intelligence, c'est par rapport au QI, c'est par rapport... Alors que même ces animaux qui sont en laboratoire sont parfois considérés comme stupides, alors que c'est par rapport à leur affectif prof. Moi, j'ai beaucoup travaillé, donc vous l'avez dit, avec les orang-outans, qui sont des animaux solitaires par rapport à bonobos et chimpanzés, qui n'aiment pas travailler en laboratoire, qui sont particulièrement... et qui vont masquer l'émotion. Donc si vous leur demandez, surtout dans un milieu hostile, ce sont des animaux arboricoles en plus, parce qu'il y a leur lieu de vie, et à partir du moment où vous leur demandez de faire des dessins ou de faire des choses complexes, ils ne vont pas le faire parce que les chimpanzés sont curieux par essence, les orang-outans moins, puisqu'ils vivent en haut des sommets et qu'ils regardent longuement, si je puis dire, alors on pourrait dire qu'ils sont plus poètes, mais peu importe, qu'ils regardent l'horizon. Et je vais vous donner une chose simple. Je vis au muséum, qui est dans l'état que connaît le muséum. Je vais pas revenir sur la ménagerie. Et il y avait un tuyau qui fuyait, comme toujours. J'avais avec moi un chimpanzé et un orang-outan qui essayaient de travailler. Je reviendrai là-dessus en laboratoire, avec les dessins, enfin, tout ce qu'on fait, leur apprend en éthologie. Et ce tuyau, il le regardait, l'eau qui coulait. Et le chimpanzé a fait ce qu'a fait un chimpanzé. Pardon. Il a commencé à s'asseoir, à taper et tout. Et l'orang-outan est resté, comme toujours, à regarder, impassible comme ils sont. Et tout le monde m'a dit, ton orang-outan est toujours aussi con. Et j'étais vexée. Lui, pas. Il est resté impassible, puis l'autre a continué. Et au bout d'à peu près 5 à 10 minutes, il est arrivé et il a mis le doigt sur le tuyau. Ça, c'est très typique des orang-outans. Ils vont observer. Si vous rentrez dans une cage ou quoi, le chimpanzé il va farfouiller partout, il va chercher, il va s'énerver. L'orang-outan, il va regarder là, d'un côté, car lui masque particulièrement ses émotions ou son intelligence, et il va dans votre poche chercher le paquet de bonbons ou les clés. Qui sont... Voilà, donc tout ça, effectivement, c'est assez probant. C'est toute cette intelligence affective, et donc l'affection qu'on n'a pas voulu étudier, et qui est déjà difficile dans le monde. On voit le nombre de psychiatres, et on en a maintenant pour animaux. Hein. C'est plus facile de faire un QI tel qu'on le faisait, y compris pour les animaux. Évidemment, dès qu'on touche à l'émotion et au psy, déjà c'est difficile chez nous, chez les animaux, on ne connaît pas grand-chose. Vous nous voyez tous les trois, non pas tâtonner, car on est plus ému que n'importe qui ici. Mais ça n'est pas facile à définir, et peut-être faut-il trouver d'autres mots. Alors justement, Astrid Guillaume, est-ce qu'il faut parler plutôt d'état affectif, plus que d'émotion, se détacher, sortir de l'anthropomorphisme précisément par une nouvelle terminologie. Voilà, non, mais ça, cela me paraît tout à fait essentiel. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, les émotions sont profondément culturelles. Et l'animal a également une culture, donc a une éducation qui va ou non le formater. Et respecter cette culture, il faut, c'est définir les émotions et connaître l'individu. Vous évoquiez le cas de ce chimpanzé, mais le chimpanzé, si on devait tester l'intelligence d'un animal, prendre les référents humains pour le tester est déjà une erreur en soi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qui est profondément utile pour lui dans la nature pour pouvoir efficacement tester et ses émotions et son intelligence. Donc il faut revoir des tests scientifiques, c'est évident. Et je voudrais revenir sur l'aspect culturel humain maintenant. La manière dont un Japonais exprime ses émotions ou une Américaine, c'est pas la même chose. Déjà chez l'humain. Vous voyez, donc c'est profondément culturel aussi l'expression des émotions. Mais est-ce qu'on peut parler de, je rebondis sur ce que vous venez de dire, on va sortir des invertébrés et des insectes et de la mouche drosophile ou des yeux de la libellule. Est-ce que vous disiez, Georges Chapoutier, finalement, chez tous les vertébrés, du poisson à l'humain, il y a un système d'appréhension émotionnelle ou affective du monde. Astrid Guillaume, est-ce qu'on peut parler d'une culture du poisson, par exemple? Est-ce qu'on peut parler d'un établissement ou d'une culture sociale chez le poisson, chez les poissons sauvages, chez les bandes de poissons, et donc d'une forme de culture émotionnelle? Le poisson est très grégaire. En fait, on ne connaît pas encore, on ne comprend pas encore toutes les sensibilités des poissons. D'autant plus qu'il n'a pas le même système sensoriel, on revient. Non seulement cela. Bon, point de vue écoute, avec la ligne latérale et tout, physiologiquement, tout à fait. Il est très éloigné de nous. Et puis surtout, il est bourré de capteurs. Donc ça, on peut pas le nier. Et je parle pas des grands cétacés, je parle des petits poissons. Donc ça met en place, enfin ça évoque toute la souffrance animale quand on tue le poisson, évidemment. Mais plus encore, j'ai envie de dire que il faut revoir en fait l'ensemble des manières d'écouter les poissons, parce que Bernie Krause, qui est un zoo acousticien, a enregistré le son des poissons. Et on a découvert, entre autres grâce à lui, que les poissons étaient extrêmement bavards. Bien sûr, notre oreille n'est pas adaptée pour entendre ça. L'homme est extrêmement limité, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan auditif, pour comprendre et analyser son environnement. Mais avec la nouvelle technologie que nous avons maintenant à notre disposition, nous pouvons voir l'infiniment petit, nous pouvons entendre ce qui n'était pas audible, et nous pouvons voir extrêmement loin. On peut voir des scènes dans des habitats de manière avec des caméras cachées. Et je crois que découvrir le subaquatique, entendre, écouter, comprendre la communication des poissons, c'est l'avenir. Ça, c'est vraiment, ce sont des sujets d'avenir, mais avec la technologie et les sciences du vivant, bien évidemment. Jean Chapoutier, pour rebondir. Remarque sur ce qui a été dit. La première sur le fait, effectivement, qu'on est limité par nos caractères de perception, qu'on peut étendre par des appareils maintenant. Et c'est comme on a vu que les poissons communiquaient beaucoup, c'est comme ça aussi qu'on a vu que les rats rigolaient sans arrêt. Par exemple, il y a un rire chez les rats qu'on a trouvé très récemment. J'avais deux remarques sur ce qui avait été dit précédemment. D'abord, on a beaucoup parlé des orang-outans, des chimpanzés. Quand on parle des chimpanzés, faut pas oublier qu'on parle de nous, hein. Les chimpanzés, c'est nous. On est des chimpanzés un peu particuliers, sans poils, avec un gros cerveau, mais on est typiquement des chimpanzés, à tous égards. Ça, c'est le premier point. Et puis, d'autre part, pour ce qui est de l'identité des comportements émotionnels dans le règne des vertébrés, et particulièrement chez les mammifères, je voudrais quand même rappeler qu'on cite beaucoup les thèses de Descartes et ses successeurs, puisque c'est lui qui avait dit l'homme a une capacité, une âme, donc une intelligence, etc., alors que l'animal n'en a pas du tout. Hein. En fait, Descartes l'a dit de façon très, très, très soft. C'est surtout son élève Malebranche qui a caricaturé la pensée du maître et qui a insisté sur le fait que l'animal ne sentait rien. Il battait des animaux et quand la pauvre bête hurlait, il disait « Regardez, c'est comme une horloge qui sonne l'heure ». En d'autres termes, l'animal-objet, qui est complètement battu en brèche maintenant, plutôt que post-cartésien, devrait, à mon avis, être qualifié de Malebranché. Donc, alors, pour revenir à l'époque de Descartes, il faut voir que, même à cette époque-là, beaucoup de gens ne gobaient pas les thèses de Descartes. Madame de Sévigné a écrit des textes remarquables dans lesquels elle lit d'un chien, un chien qui a de la crainte, qui a de l'émotion, qui, etc., etc. Jamais Descartes ne fera croire une bêtise pareille. J'aimerais qu'on continue cette ascension de l'arbre phylogénétique du moins complexe vers le plus complexe et rester tout de même un peu sur les poissons, puisque les poissons, on peut le dire, et vous serez d'accord ou pas d'ailleurs, que les poissons sont un peu mal aimés de l'éthologie qu'on étudie. On commence tout juste à découvrir effectivement les poissons, toujours pour cette question du registre émotionnel. Si on part de l'acception de ce jeu d'émotions dites universelles, joie, tristesse, peur, dégoût, surprise. Vous êtes d'accord avec à peu près ces cinq émotions? Le dégoût, comme nous n'avons pas le même goût que les animaux, c'est assez complexe. Mais bon, l'idée de rejet. Voilà. Est-ce qu'on peut penser, ou est-ce que c'est un biais scientifique et cognitif aujourd'hui, Georges Chapoutier, que le poisson peut ressentir de la joie? Alors moi, je pense que oui. Ceci dit, je ne peux pas vous le prouver par son comportement, parce qu'il a un comportement assez différent d'une autre, mais peut-être qu'avec les progrès sémiotiques, on y arrivera. En revanche, il a le même système limbique que nous, et je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas de joie et de souffrance. De la tristesse, un poisson triste, il a les mêmes mécanismes cérébraux que nous. La tristesse, on la connaît bien sur le poisson rouge dans le bocal qui tourne tout le temps et qui devient réellement dépressif, hein, qui a des tics nerveux, des mouvements stéréotypés quand vous le remettez dans un endroit plus grand, donc on le voit très bien. Et moi, personnellement, j'ai vu la joie, enfin on m'a dit, on ne sait pas trop, effectivement ils ont l'air contents, chez des raies mantards, j'ai eu cette chance, qui en groupe s'amusaient vraiment à sauter. Moi j'ai dit c'est une parade, il m'a dit non, on a l'impression qu'elles viennent de trouver un nouvel endroit où il y a de la nourriture, car ça devait être abondant, il y avait beaucoup de pluie et tout, et elles se sont mises à sauter. C'est très difficile à interpréter, hein, mais a priori, parce que alors là, vraiment leur masque figé et tout, c'est assez complexe. Mais les gens qui étaient avec des raies mantards, qui sont revenus les voir 6 mois après, elles sont précipitées vers lui. Aussi, il y a, déjà, il y a quelque chose qui ressemblait à de l'empathie. Donc, oui, et puis bon, tous les gens qui ont fait de la plongée sous-marine savent très bien que les animaux, si vous plongez régulièrement dans les mêmes endroits, reviennent vers vous et on a vraiment l'impression qu'ils nous reconnaissent. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. On continue à remonter et essayer de comprendre comment s'organise, en fait, en remontant cet arbre phylogénétique, la complexité des émotions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on part de ce jeu émotionnel dit universel, tel qu'on l'interprète, à des émotions de plus en plus complexes. Est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, que, pour utiliser un mot à la mode en ce moment, qu'il y ait une sorte de ruissellement des états les plus élaborés vers les moins élaborés. Est-ce que finalement il y a une forme de structure de sélection par l'évolution, justement sur une base de développement émotionnel, Georges Chapoutier? Votre idée de ruissellement, là, je ne l'aperçois pas bien. Donc, mais oui, plus le cerveau est compliqué, plus il y aura des émotions raffinées et fines, bien sûr. Ça, c'est vrai pour l'émotion, mais c'est vrai pour tout. On trouve par exemple des branches, on pense aux corvidés, vous avez évoqué tout à l'heure les céphalopodes, les pieuvres, etc., qui sont des branches de l'évolution, qui ne sont pas forcément en haut de l'arbre phylogénétique et qui pourtant prouvent, ont des comportements complexes, élaborés, qui montreraient des émotions plus développées que les autres membres de la même branche. D'abord, l'évolution n'est pas linéaire, il n'y a pas un sommet de l'évolution. L'homme, les vertébrés, disons, pour être plus soft. Les vertébrés, c'est un sommet pour l'activité intellectuelle, si vous voulez, mais les bactéries sont un sommet pour la capacité de se reproduire et de s'adapter. Les végétaux sont un sommet pour la capacité de coloniser des milieux où il n'y a rien, etc. Donc, il n'y a pas un sommet. Il y a un sommet si on prend un point particulier. Alors, effectivement, si on prend l'intelligence pure, les vertébrés sont assez doués pour ça. Bon, et l'homme en particulier. Je crois que l'avantage, quand on est plus évolué, on a plus de facilité à évacuer l'émotion, si je puis dire. Par exemple, nous, on a la parole, donc c'est beaucoup plus simple. On peut verbaliser, vous savez, maintenant il y a des groupes de psy partout, c'est plus simple. Certains animaux, effectivement, que l'on voit, on voit très bien, c'est classique, chez tout le monde a des chats et des chiens, chez le chien qui peut avoir un syndrome d'anxiété parce que le maître a été très gentil, qu'au lieu de partir d'un coup sec et de ne pas montrer qu'il est inquiet, fait un long discours verbal à ce pauvre animal qui n'y comprend absolument rien, en lui disant ne t'inquiète pas, papa va rentrer, mais si et ça. Et le chien qui, on le sait depuis maintenant, ça a été prouvé au point de vue imagerie, mais le chien qui cherche à interpréter l'angoisse du maître, puisqu'il reconnaît la tristesse, le fait que son maître parte triste et tout, ça l'angoisse terriblement puisqu'il ne comprend pas pourquoi. Et on sait que ces animaux-là deviennent fous, arrachent complètement le papier peint, se mettent à courir dans tous les sens, à hurler. Et ça, on peut le reconditionner en disant au maître, cessez, partez d'un coup, au besoin, ce qui prouve aussi que ces émotions-là vont plus loin, mettre un animal sous antidépresseur, à partir de ce moment-là, c'est la solution, c'est employé maintenant dans la médecine vétérinaire, de façon à retrouver une vie normale. Moi, par contre, qui malheureusement ai connu les anciens zoos avec leurs horreurs, et il en reste encore, on ne va pas discuter des zoos, je vais me faire insulter, donc vous avez fait ça avant. Hein. Cette fois-ci, on ne crie pas, mais bon, malheureusement, y compris d'ailleurs à la ménagerie, on a des conditions souvent déplorables et on le regrette, nous, parce qu'on travaille au quotidien. Par exemple, les reptiles ont une angoisse profonde, ça c'est des choses qu'on ignore, mais ils n'ont pas solution pour le manifester. Et bien on le voit tout de suite, nous, parce qu'ils font des ulcères labiaux et des troubles, ce qu'on a nous, des troubles digestifs et des troubles dermiques, ce qui est aussi très banal, hein, l'eczéma, ce qu'on appelle l'eczéma, qui sont toutes les dermites bulleuses et ce genre de choses. Donc on voit physiologiquement une angoisse vrai. Bon, la joie, c'est plus difficile. Hein. Peut-être et confiance, mais je n'y crois pas. Mais on reparlera tout de même un peu des os, parce qu'à l'aune de ce que nous sommes en train de dire, on va penser comment reconsidérer notre rapport à l'animal, maintenant qu'on sait que l'animal ressent beaucoup plus et de manière beaucoup plus complexe que ce que l'on savait il y a encore 50 ans. Astrid Guillaume. Oui, je voudrais juste rebondir sur la question du cerveau. Certes, les mammifères ont des émotions qui sont sans doute évidemment très proches des nôtres, mais je crois qu'il ne faut pas se limiter à une approche qui serait la comparaison du cerveau humain avec les autres cerveaux, puisque leur sens sont développés différemment des nôtres. Et si l'on voit l'exemple de la pieuvre, elle n'est qu'en toucher et en mimésis. Donc elle va exprimer ses émotions aussi en prenant d'autres couleurs, en se transformant, et elle n'a pas du tout le même type de cerveau que le nôtre. Et dans ce cas-là, il faut vraiment penser autrement. Et c'est là que justement la zoosémiotique fait le lien entre les signes physiologiques médicaux et les signes d'émotion qui sont des signes de communication, à proprement parler. Jean Chapoutier. Oui, la pieuvre, effectivement, est un très bon exemple parce que c'est un animal qui est assez extraordinaire, qui fait des choses assez extraordinaires, qui est capable de faire des détours pour aller chercher la nourriture, d'utiliser des coques de demi-coques de noix pour faire des armures. Enfin, elle utilise des tas d'objets comme outils. Donc, elle a une intelligence très remarquable et proche de certains mammifères. Bien entendu, son cerveau est tout à fait différent. C'est un escargot transformé. Ceci dit, on met en évidence quand même dans son cerveau des zones comparables. Il y a des zones comparables au cortex des vertébrés, etc., etc., qu'on connaît encore assez mal, mais il y a une certaine comparaison. En plus, elle a un cerveau au bout de chaque patte, enfin l'origine de chaque bras. Oui, mais qui se condense maintenant. Mais ça permet une certaine autonomie. Oui, une certaine autonomie. Un mot tout de même, parce que on parle à la fois des animaux sauvages et des animaux en captivité. Vous l'avez évoqué au tout début de cette table ronde. On observe. On teste beaucoup l'émotion animale aujourd'hui en éthologie en laboratoire avec des animaux qui sont habitués à la présence de l'homme. On sait, et vous l'avez dit Marie-Claude Bomsel tout à l'heure, que l'émotion est un langage entre l'animal pour communiquer de l'animal à l'homme. Quelles sont les pistes? Comment on peut étudier l'émotion animale en milieu naturel, chez l'animal sauvage, par exemple chez les grands singes, on a quelques pistes, notamment l'automédication. On voit qu'il y a comme les grands singes ou les dauphins qui utilisent des toxiques pour avoir des expériences psychotropes. Oui, mais qui se défoncent en fait. Hein. Le problème est que l'animal sauvage, on le voit en général de loin. Là, en l'occurrence, ce qui va beaucoup nous aider, quand vous regardez les documentaires animaliers maintenant, ce sont les nouvelles techniques aussi, parce qu'on approche l'animal, on entend beaucoup mieux l'animal et tout, parce que là, on peut s'aider d'un instrument. Et on va voir apparaître, d'ailleurs très longtemps nous en parc zoologique, on disait ah oui mais il a tel fait, tel gestuel, parce qu'il est en captivité, parce qu'on voit une certaine forme de folie également, ou de psychose, ou d'anxiété en nature. Et on va le voir simplement, ils n'ont pas le temps de le développer. Si vous voulez, ce sont des émotions qui ne vont pas être longues, elles vont être fugaces. Parce que quand on être ou ne pas être, ça n'est pas le lieu vraiment dans la nature de se mettre à penser ça. Je ne sais pas si les animaux le pensent, mais en tout cas, ça n'est sûrement pas au fait d'un arbre quand vous avez une panthère qui vous guette. Hein. Il n'est pas temps de se mettre à penser. Pareil, donc les peurs sont plus vives, les choses sont plus caricaturales, mais on va les voir. Moi, je suis fasciné maintenant par les nouveaux documentaires animaliers. Si vous les regardez, regardez en général le regard, la position des oreilles, la façon dont ils s'abordent, toutes les parades, toutes les émotions, on les voit apparaître. Même le rougissement de certains animaux qui sont mal à l'aise quand on les voit dans les groupes. Maintenant, les animaux sont individualisés. On a dit aussi, je crois, dans un autrefois, vous savez, quand on travaillait en éthologie, il fallait pas donner des petits noms parce qu'on était trop anthropomorphique, on projetait et tout. Maintenant, on donne des petits noms. Jane Goodall, moi, je connais bien Jane Goodall, elle a été la première à le faire, elle a été conspuée complètement et tout. Alors que maintenant, c'est pas vrai parce qu'on sait, on revient à ce qu'on a toujours dit dès le départ ici, il y a un passé de l'animal, un programme génétique, une position, un individu qui est particulier. Astrid Guillaume et Georges Chapoutier. Alors ça, c'est très important parce que dans la discipline qui est la mienne, à savoir les sciences du langage, au siècle dernier, qui n'est pas si loin, il était interdit de parler de langage animal. Alors que chez les éthologues, les vétérinaires, c'est tout à fait acté. Et pour cause, la linguistique avait verrouillé les définitions autour de langue et langage exclusivement pour l'humain. Aujourd'hui, la sémiotique permet de réouvrir ce débat et de parler de langage félin, de langage canin, de langage des animaux, et voire de plurilinguisme. Et c'est ce que j'appelle donc tout ce qui est langage interspécifique, intraspécifique, voire extraspécifique. Tout ça est à repenser, à définir sous le regard de la sémiotique, bien sûr, pas forcément de la linguistique, mais on parle aussi de zoolinguistique. Et là, la zoosémiotique a un rôle à jouer dans ces disciplines tout à fait novatrices. J'aimerais qu'on parle un peu des émotions complexes, et notamment justement chez les grands singes, mais pas que chez les grands singes, les émotions complexes qui sont la jalousie, l'altruisme, l'empathie. Comment est-ce qu'on appréhende et justement quelle est la limite entre ce jeu d'émotions universelles et la complexification de ces émotions? Comment est-ce qu'on peut, en l'absence de communication verbale, constater l'altruisme chez les grands singes, mais pas seulement, la jalousie qu'on peut constater chez les chiens, voire l'optimisme ou le pessimisme? Et je vous parlerai tout à l'heure d'une étude qui a été faite chez les cochons d'élevage et qui montre que les cochons peuvent avoir des comportements plus optimistes ou pessimistes. Alors, ça, que d'autres. Je laisserai mes collègues vétérinaires, par exemple, parler de ça. Je voudrais simplement signaler une chose, que vous connaissez la question, comment est-ce qu'on estime l'empathie? Alors, des expériences qui sont faites en laboratoire, toujours un peu barbares comme dans les laboratoires, mais par exemple, pour des rats qui sont déprivés en nourriture, donc ils ont accès à de la nourriture, et ils peuvent appuyer sur un levier pour avoir de la nourriture. Et lorsqu'ils s'aperçoivent qu'en appuyant sur le levier, ils obtiennent de la nourriture, mais ils donnent un choc électrique à un autre rat voisin, ils ont tendance à réduire. Ça vaut pour les singes, mais même chez les rats. Donc il y a des tendances en empathie dans beaucoup de groupes animaux. Je vais compléter par une autre sur les rats précisément, parce qu'on pense que ces émotions complexes sont le fait des grands singes principalement. L'altruisme chez le rat, c'est aussi une expérience qui montre que quand un rat est dans une cage en verre et qu'il y a un autre rat à l'extérieur qui est emprisonné dans une petite cage en verre et qui ne peut s'ouvrir que de l'extérieur, non seulement le rat va aller spontanément ouvrir la cage qui est à l'intérieur, mais en plus, quand il a accès à de la nourriture, il va lui apporter de la nourriture pour le nourrir. Donc ça veut dire qu'il y a des émotions complexes chez des mammifères qui, comme le rat, sont considérés comme des mammifères qui ne sont pas extrêmement évolués avec tous les guillemets possibles. Genre, je vais intervenir deux minutes pour une boutade, pour vous détendre. En ce qui concerne notre cerveau, notre comportement, nous sommes faits comme des rats. D'ailleurs, on a fermé toutes les portes et on va... Non, pardon. On va voir si quelqu'un vient nous chercher, vient nous sortir de ce grand amphithéâtre. Marie-Claude Bomsel. Oui, effectivement, nous, on voit souvent des problèmes d'empathie ou tout au moins d'entraide entre singes, très fréquemment entre loups, c'est assez banal aussi. L'homme est un loup pour l'homme, non, le loup est un loup pour le loup. Il y a souvent des groupes où on a vu des animaux diminuer et où, effectivement, il y a une entraide du groupe pour essayer de le ramener. On a vu fréquemment aussi dans des groupes d'éléphants, une éléphante blessée et le groupe recule, alors que ce sont des grands marcheurs, mais sont pas, rythmes sont pas. Mais il y a un moment X où la nature reprend. Soyons honnêtes, maintenant on pourrait discuter sur nous-mêmes aussi, ou quand eux se sentent en danger, ou qu'ils voient que le groupe risque de pâtir du malade, ils l'abandonnent. Et c'est là toute la difficulté. Est-ce que nous, on ne le ferait pas en cas de difficulté? Car il ne faut pas oublier que là, je vous parle d'animaux sauvages qui sont dans des conditions de survie et à qui il faut absolument qu'ils continuent. Et ils n'ont pas le temps et le pouvoir que nous avons, nous, d'aider. Et Dieu sait que nous n'aidons pas toujours. Astrid Guillaume. Alors moi, je note deux expressions avec des animaux, hein, l'effet de loup, de meute, et puis nous sommes faits comme des rats. Donc là, il y a aussi beaucoup, sur le plan de la langue, d'expressions qui majoritairement datent du Moyen-Âge, où les animaux sont partie prenante et qui parfois desservent l'animal. Et il serait bien aussi éventuellement de les repenser, voire de moins les utiliser quand elles desservent l'animal. Donc ça, c'est aussi un problème de langue, de langage quand on s'exprime. Voilà, allez-y, oui. Parce qu'on parlait avec Astrid, et je vais la laisser parler, effectivement, de l'éducation manquante, désormais naturaliste de l'école. On n'a plus aucune idée, et plus ça va, plus les clichés, car encore, c'est pas bien méchant, mais maintenant, autant les documentaires animaliers bien expliqués et tout vous montrent de belles choses, autant de plus en plus l'animal est montré sur les Facebook et autres comme un objet et tout. Il n'y a pas d'éducation à l'animal, on le voit nous au muséum dans les classes. Désormais on passe à un top niveau. Moi je vois mes petits enfants, je comprends à peine ce qu'ils disent, mais l'animal pour eux est un objet. Voilà, je vous ai interrompu, pardon. Non, mais bon, avec plaisir, nous sommes d'accord, donc. Voilà. Vous pouvez m'interrompre quand nous sommes d'accord. Bon. Donc voilà, c'est le problème. Mais c'est vrai qu'il y a tout des cursus de relations humain-animal à mettre en place, et puis des formations dans le système éducatif qui doivent être développées, c'est évident. Pour revenir sur la complexification des émotions, se rendre compte qu'on l'a dit, les rats sont capables d'altruisme, par exemple. On sait que le chien, une autre étude que je vous soumets, le chien, des études récentes montrent que la jalousie n'est pas le propre de l'homme ou des grands singes, hein, que des chiens, quand on montre le maître en train de jouer avec une peluche en forme de chien, avant que le chien ne comprenne que c'est une peluche, s'interpose entre le maître et la peluche. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre de l'appartenance et d'un lien privilégié entre deux individus, un humain et un chien. Quel est le palier justement de ces émotions complexes, Georges Chapoutier? Tous les mammifères un peu évolués, je pense qu'en cherchant bien, on va retrouver des réactions similaires. C'est-à-dire que on l'a trouvé pour le chien. Le chien est un peu particulier parce que c'est une relation très particulière avec l'homme. Mais par exemple, je pense à deux groupes de mammifères très évolués, les grands singes bien sûr, les dauphins aussi. Il y a des quantités d'exemples, d'anecdotes qui montrent que des dauphins portent aide à des humains. Il y a, dans l'histoire, ça a été connu. Mais à des jeunes dauphins, il y a des cas d'un jeune dauphin blessé qu'ils ont amené à des hommes pour, entre guillemets, en espérant le faire soigner. Chez les troupes de chimpanzés, Franz De Waal a écrit d'excellents livres que je vous conseille, où il montre qu'il y a des quantités d'effets altruistes, par exemple d'aide aux handicapés, etc., etc. Chez les éléphants aussi, on a vu des éléphants, par exemple, qui essayaient de faire marcher une personne qui avait, enfin, un éléphant qui avait de la difficulté et de se porter à son aide. Donc, dans tous les groupes sociaux fortement intégrés, il y a une forte interaction et une forte empathie nécessaire au fonctionnement du groupe. Groupes sociaux et hiérarchisés. Voilà. Parce que, en l'occurrence, le chien, ça n'est pas étonnant, parce qu'il y a la notion de monde, mais il y a la notion de couple dominant et de prendre la dominance femelle si on est femelle et mâle si on est mâle. C'est plus compliqué dès qu'on atteint des animaux pourtant fort évolués à nos yeux, comme les ours, et bon, on parle beaucoup de lui en ce moment, les pandas, qui sont de vrais solitaires, qui n'ont pas cette notion altruiste où, bon, moi j'ai élevé un ours, je peux vous dire que c'est pas terriblement altruiste, et surtout, c'est indifférent à l'autre. Alors, parlons pas du panda, ou plutôt parlons-en, parce que c'est le jour, hein, on vient de le sortir, tout le monde nous appelle pour ça. C'est la première sortie du bébé panda du zoo de Beauval, pour ceux qui ne sont pas au courant. Lui, en l'occurrence, quand on est occupé, parce que c'est quand même un cul-de-sac de l'évolution, quand on est occupé 10 à 14 heures par jour à manger 10 à 14 kilos de bambou, qu'on est toujours à la limite de l'hypothermie, et on n'est pas particulièrement altruiste, même si on a un haut cerveau. Donc, il y a une attitude sociale et une hiérarchie sociale, et le chien est tout particulièrement touché par ça. Je veux quand même parler des chats, parce qu'on n'en parle jamais, qui sont effectivement des solitaires, qui eux, moi je les admire, je les aime, même, donc je ne suis pas du tout objective, mais c'est normal. Hein. Mais c'est, eux sont rentrés dans un monde qui alors n'est pas du tout le leur, encore pire, puisque ce sont des animaux solitaires, crépusculaires et tout, et arrivent à être jaloux les uns des autres. Alors là, chapeau, on voit la plasticité du modèle comportemental et du cerveau à ce moment-là. Et maintenant que nous sommes arrivés justement et qu'on arrive dans la dernière partie de cette table ronde, je voulais vous soumettre cette dernière expérience sur le cochon dont je vous parlais, qu'on se rende compte qu'il peut avoir des comportements optimistes ou pessimistes, et on va voir comment le rat, le cochon, la vache, que tout ça va interroger maintenant que nous sommes conscients de leur ressenti, de leur perception, de sentiments, d'affect, d'état affectif, comment ça peut transformer les rapports que l'on a avec eux. L'expérience avec le cochon est la suivante. On associe sur le système pavlovien un bruit agréable, une note de musique avec une récompense, une pomme, et un bruit désagréable comme un claquement avec une expérience peu agréable qui est la présence d'un sac plastique. Ensuite, on met des cochons, certains cochons, la moitié, dans des cages grandes avec de l'espace en plein air, et d'autres cochons dans des petites cages fermées. Et puis, quand on prend ces deux populations de cochons et qu'on leur envoie un message complexe, c'est-à-dire qu'on met la note de musique et le claquement à la fois, c'est un message plus compliqué à interpréter, eh bien, les cochons qui ont été élevés dans les grands espaces sont spontanément optimistes, c'est-à-dire qu'ils vont venir chercher la pomme, alors que les cochons qui ont été élevés dans des petites cages, eux, vont se méfier spontanément. Marie-Claude Bonnefeld, une réaction. Ils étaient isolés dans les petites cages? Isolés, oui. Isolés, oui. Bah, c'est à ce moment-là, je pense, on revient au syndrome d'anxiété ou de privation. Ce sont des animaux on le sait tous, hein, quand une angoisse ou quoi que ce soit vous prend la tête, il peut arriver n'importe quoi, vous êtes obsédé. On le connaissait bien, nous aussi, autrefois, quand on ne travaillait pas correctement en parc zoologique, sur des animaux qui sont tellement dominés par l'inquiétude et l'angoisse, surtout qu'ils n'étaient pas élevés comme ça au départ, qu'ils n'ont plus capacité à ressentir quelques émotions d'autres que se libérer de cela. Et on revient au fait qu'il faudrait traiter vos cochons avant, vous verriez qu'ils redeviendraient optimistes. Je sais, vous avez l'air d'être contre les antidépresseurs, moi aussi pour les cochons. c'est la théorie de l'esprit, Marie-Claude Bomsel, je le vous à moi, parce que personnellement, Georges Chapoutier. Cochons, on peut dire optimiste, pessimiste. Vos cochons pessimistes, moi je dirais des cochons dépressifs. Mais ce qui m'amène à rebondir à ce que vous venez de dire, Marie-Claude Bomsel, est-ce qu'aujourd'hui, dans des conditions, dans des traitements que l'on considérait ou qu'on pourrait qualifier de inhumain, vous m'excuserez évidemment l'utilisation de ce terme, mais dégradant. Je peux vous interrompre, oui, là, parce que justement, sur le plan de la définition, on fait beaucoup trop l'amalgame entre humain, qui signifie l'espèce, et humain, qui est une qualité. Tous les humains ne sont pas humains, et tous les animaux ne sont pas des brutes épaisses. Les Anglais, pour... font la différence. Il y a deux mots, human avec un E ou non. Pour parler de ces traitements donc d'animaux d'élevage en batterie, d'élevage industriel dont on a parlé tout au long de cette journée, est-ce que l'on considère aujourd'hui que ces animaux-là, on sait qu'ils ont peur, on sait qu'ils sont dépressifs, qu'ils sont malheureux? Est-ce qu'il y a, comme chez l'homme, des principes, des processus, Georges Chapoutier, de shutdown, c'est-à-dire de moments où finalement on est tellement mal, tellement en souffrance que l'on arrête de ressentir? Oui, certainement, mais il y a beaucoup d'animaux qui deviennent fous aussi dans les élevages. Hein. Et c'est tellement vrai aussi que pour traiter ces animaux dans des conditions abominables, je crois qu'on l'a suffisamment répété, on leur file souvent des médicaments que nous récupérons évidemment dans nos assiettes ensuite. Hein. Donc ils sont souvent traités pharmacologiquement. Non, mais, oui. Tous ceux qui mangent de la viande prennent des antidépresseurs sans le savoir, Marie-Claude Bumsel, tant comme ça. C'est trop cher, les antibiotiques, oui. Non, bon, ils sont traités, mais en plus, effectivement, ils ne sentent absolument plus rien et ils passent dans les couloirs. Alors, ils ont des réflexes, c'est-à-dire qu'ils zappent, ils n'ont plus de construction. Ils sont dans un tel état d'abrutissement, d'abord, puis d'angoisse, puisque chez les animaux, chez la vache et tout, hein, c'est l'odeur, particulièrement les cris, l'odeur du sang, les urines et tout. Ils rentrent dans des couloirs abrutis et par moments, la panique les prend, mais on les voit bien, ils sont saccadés. J'ai personnellement travaillé dans des laboratoires en tant que vétérinaire il y a très longtemps, au temps où c'était dit pardon, humain. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les cadences qui accentuent encore. C'est assez effrayant de le voir. Et on essayait de les conduire tranquillement, mais on les voyait prendre peur et tout. Mais elles avaient encore ces expressions. J'ai vu, je ne suis plus jamais retourné dans un abattoir comme tout le monde. Quand j'ai vu les images maintenant, vous les voyez, elles ont des yeux inexistants. Elles sont complètement fermées en elles-mêmes. Elles ne sont plus capables du tout de réagir. C'est peut-être moins douloureux, mais bon, en l'occurrence, c'est effrayant. Astrid Guillaume. Je rebondis encore. Il n'y a pas d'animaux d'élevage, il n'y a pas d'animaux de ferme, il n'y a pas d'animaux de cirque. Il y a des animaux dans des élevages, dans des fermes, dans des cirques. Alors c'est important au niveau de l'expression parce que l'animal n'est pas fait spontanément pour être dans un élevage. Donc c'est pas animaux d'élevage, mais animaux dans des élevages, animaux, hélas, dans des cirques, etc. Est-ce que vous pensez, les uns les autres aujourd'hui, que l'on est en train de vivre une révolution peut-être lente, mais en tout cas un nouveau changement paradigmatique qui fait que maintenant que nous savons, que nous avons l'intuition, même si nous ne le savons pas précisément pour toutes les espèces, que les animaux, que les vertébrés en tout cas, au moins pour parler d'eux, ressentent, est-ce que nous sommes à l'aube pour avoir une touche peut-être d'optimisme, comme les cochons qui vont manger leurs pommes, à l'aube d'une transformation de notre rapport aux animaux, maintenant que nous savons que ces animaux-là ressentent des émotions similaires, assimilables ou différentes de celles que nous ressentons, nous, humains. Marie-Claude Bumsel. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Bien sûr, ici, ce n'est pas un hasard. Nous sommes proches des animaux, on vient en discuter et tout. Mais nous ne sommes pas aussi nombreux qu'on croit. Moi, j'espère dans les plus jeunes. Alors, c'est parfois niaiseux, c'est parfois un peu ridicule. C'est pas l'école, justement, malheureusement, qui fait ça. C'est de l'entendre dire, nous, autrefois, bon, ce sont des enfants qui n'ont pas du tout, qui ne connaissent rien d'autre que leur chat et chien, qui ne connaissent rien. Mais ils entendent parler de tout cela, et de ce fait, ils se posent le problème, alors qu'on ne se le posait pas, et peut-être vont-ils être un peu plus proches. Je suis encore très dubitatif. Vous voyez, moi, je suis plutôt dans le cochon, pas pessimiste, mais pas loin. Je vais reformuler ma question. Comment faire pour venir à bout de cette dissonance cognitive qui fait que on adore notre chat, notre chien, notre cheval, notre hamster, mais que ça nous pose pas problème de manger un steak et donc de manger la vache. Si on dit à quelqu'un dans ton assiette c'est du cheval au lieu de la vache, ah d'un seul coup c'est plus difficile, c'est du chien, ah c'est encore plus dur. Comment faire pour lutter contre cette dissonance cognitive maintenant qu'on a accès précisément à la notion d'émotion animale? Vous avez accès intellectuellement, vous n'avez pas accès physiquement. Vous avez vu comme L214 au jour ils ont montré les images, moi j'en avais souvent parlé, c'est suffisant. Bon, et alors, en plus, si vous aviez les cris, les odeurs, vous verriez à quel point. Faites-le, ça ira assez vite. C'est ce qui a provoqué ce mouvement. Mais tant qu'on n'a pas, nous sommes des visuels, on a un concept visuel, tant qu'on n'a pas l'image et tout, on ne s'en sort pas. Jean Chapoutier. Donc, il faut insister, on y vient beaucoup, à l'éducation. Nous, on a un certain âge. La transformation, la révolution se fera par les jeunes. Et les jeunes, ils la feront s'ils sont éduqués, si on leur explique les choses, si on leur montre des images, etc., etc. Donc, je crois que comme tout, comme pour tout, hein, pour la démocratie pour tout, c'est l'éducation qui est à la base. Astrid Guillaume. Je crois qu'il y a surtout eu une grosse hypocrisie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été cachées aux consommateurs et qui ont été ignorées. Mais on sait depuis l'Antiquité que l'animal est intelligent. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Pythagore, déjà, le disait. Mais c'est vrai qu'il y a eu une déconscientisation de ce que les gens qui mangent de la viande voient dans leur assiette par rapport à ce qu'il y a dans les pâturages. D'ailleurs, les petits Parisiens découvrent les animaux en allant au salon de l'agriculture. C'est tragique. Donc il y a vraiment une distanciation entre le monde vivant et la société actuelle. Donc c'est surtout ça le gros problème. C'est d'autant plus effrayant, ça, vous avez raison, parce que ces animaux qui sont au salon de l'agriculture, beaucoup ne ressortiront pas, ils vont directement à l'abattage, puisqu'ils risquent d'avoir une transmission de maladie et tout. Moi, je n'ai jamais voulu que mes petits-enfants aillent le voir dans ces conditions, attachés, on les tripote de tous les côtés et tout, mais vous avez raison, c'est la seule façon qu'ils ont parfois de les voir, et c'est là où c'est effrayant. Non, moi, je suis assez effrayée, de même que ici, à d'autres débats, on a dit que le sapiens était au-dessus de tout. Moi, je n'y crois nullement. Je crois que c'est un fruit du hasard et que les animaux nous surpassent dans beaucoup de domaines. Nous ne sommes pas sapiens, nous ne dominons pas la planète, comme ça a eu l'air d'être dit parfois. Nous sommes un parmi la planète qui avons la chance d'avoir eu possibilité un certain temps, et ça va bientôt finir si on continue à être aussi fou, d'avoir le pouvoir sur la planète. Mais si on la détruit, les rats, justement, fort intelligents, les araignées ou autres, peuvent nous suivre. Il faut quand même y penser. On est loin d'être dominant sur la planète. On devrait être un parmi les autres. Les animaux sont très souvent plus humains. Astrid Guillaume. Oui, pour rebondir sur ce que Marie-Claude dit, les animaux, pour reprendre ce terme polysémique d'humain, les animaux sont bien souvent plus humains que les humains. Et c'est ça le problème. Une question aussi, peut-être, parce que nous sommes aussi prisonniers d'un biais cognitif qui est celui de notre civilisation, de notre culture occidentale. Le rapport que nous avons collectivement aux animaux, cartésien, vous l'avez dit, pour nous Français, mais enfin ce rapport utilitariste de l'homme à l'animal, il n'est pas similaire dans des cultures africaines, asiatiques, latino-américaines. Est-ce que on peut imaginer que ce centrisme culturel occidental puisse être aéré maintenant que la science nous donne ses réponses sur l'émotion animale, précisément par d'autres apports culturels, autres, étrangers, Georges Chapoutier. Oui, je pense que ce serait un des bons côtés de l'internationalisation. Je pense qu'il y a il y a beaucoup à apprendre, par exemple dans l'Asie, que je connais un petit peu, il y a beaucoup à apprendre des cultures asiatiques. C'est pas un hasard si un certain nombre de Français se convertissent au bouddhisme, etc., etc. Parce que c'est des philosophies beaucoup plus proches de la nature, beaucoup plus ouvertes sur l'animalité, etc. Et je pense qu'effectivement, il y a dans la comparaison avec ces cultures, dans l'osmose avec ces cultures, des progrès à faire aussi. Et nous sommes très marqués aussi par les religions. Mais les religions monothéistes ont fait beaucoup de mal à l'animal, alors qu'il y a des religions comme les jainistes, les bishnoi, qui sont extrêmement respectueux de l'animal. Donc en fonction des régions du monde, on n'a pas du tout les mêmes pratiques. Et on peut s'inspirer aussi des bishnoi. Pour conclure par une dernière question en forme d'ouverture et d'espoir, et peut-être un peu neuneux, mais c'est vous qui me le direz. Finalement, quand on monte dans l'échelle de la complexité des émotions et des sentiments, est-ce qu'on peut parler d'un animal amoureux, Marie-Claude Bomsel? Qu'entendez-vous par animal amoureux? Est-ce que vous avez témoigné, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez assisté à des comportements amoureux Je vais vous dire, j'ai eu pour un de mes plus ardents amoureux était mon cochon d'Inde. Donc vous voyez, sauf qu'il me le manifestait quand mon époux était là, par des uriner sur moi et autres genres de choses. Mais oui, ça a été très très long, tout le long de sa vie, il a partagé cet amour. Maintenant, il n'y avait pas d'autres femelles cochons d'Inde, donc je ne peux pas dire. Mais vous savez, l'amour c'est fugace aussi. Mais sinon, bon, ça dépend. La notion de couple et d'amour, elle est peut-être durable, mais ça dépend des espèces. Beaucoup d'oiseaux, à 90%, sont fidèles le temps d'une saison. Des fois, on s'arrange avec la vie. Les mammifères le sont moins. L'amour, c'est déjà plus compliqué. La passion, c'est certain chez les animaux. L'amour à long terme, c'est parfois, maintenant, on pourrait réfléchir pour nous, une économie d'énergie. Ça peut être aussi pareil pour nous, sécurisation et économie d'énergie. Quand il y a un œuf à couver, vaut mieux avoir un Jules avec qui vous aide. Soyez soyez amoureux, c'est bon pour la planète. Georges Chapoutier. Moi, on parle d'amour, j'aurais quand même distingué l'amour comment, sentiment et l'amour relation sexuelle, et placer ici les fameux bonobos dont on peut pas. Le bonobo, c'est un autre chimpanzé qui a une particularité, c'est qu'il gère tous ses conflits par le sexe. Donc c'est très intéressant sur le plan de l'émotion, parce que dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a quelqu'un qui se bagarre, pof, on copule, etc. Donc alors évidemment, ça fascine l'espèce humaine, c'est applicable chez l'homme dans un couple, à la rigueur, mais je vois mal ça à la Chambre des députés. Astrid Guillaume. Je crois qu'il faut différencier l'amour qui est éventuellement hormonal d'une mère avec les petits et l'amour qui va se maintenir autrement. Ça me paraît important. Tout le monde a déjà vu dans le regard d'un animal domestique un amour fou et passionné. Ça, c'est absolument évident. Il faut avoir à la maison des animaux domestiques pour s'en rendre compte. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Marie-Claude Bomsel, Astrid Guillaume, Georges Chapoutier. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour ce forum.